Bouygues Télécom. Romain de Rennes rêve de s'offrir pour la rentrée le super Samsung Galaxy S10e. Seulement, Romain est perplexe. Peut-il se faire autant plaisir sans craindre pour sa trésorerie? Eh bien, Romain, vous allez être ravi. La réponse est oui. Rentrez tranquille avec Bouygues Télécom. Le Samsung Galaxy S10e garantie 2 ans est à 1 euro plus 8 euros par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 70 Go. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition, 193 euros après remboursement, engagement 24 mois. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la mort mystérieuse de Pablo Neruda. Et si le plus grand poète chilien, le communiste militant, l'ami fidèle de Salvador Allende, avait été assassiné? Neruda est mort le 23 septembre 1973, 12 jours seulement après le coup d'État de Pinochet. Le prix Nobel de littérature devait s'envoler pour le Mexique, en exil, et devenir la voix de la résistance chilienne. Aurait-on voulu le faire taire? À peine mis en bière, la rumeur de son assassinat court dans les rues d'un Chili précipité dans les ténèbres d'une dictature. La mort du poète se transforme alors en mythe, le défunt en martyr. Neruda souffrait d'un cancer de la prostate et à 69 ans, son décès semblait naturel. Depuis 40 ans, pourtant, son ancien chauffeur et confident, Manuel Araya, ne cesse de dénoncer ce qu'il appelle un crime organisé, planifié au plus haut de l'État, exécuté en toute impunité. En 2011, une enquête officielle est ouverte et charrie avec elle son lot d'éléments troublants et d'interminables expertises toujours en cours. Le soupçon, lui, demeure. Et si Pablo Neruda avait été assassiné? Notre invité en duplex de Toulouse, dans les locaux de France Bleu, aujourd'hui l'historien Franck Godichaud, spécialiste du Chili et des mouvements sociaux en Amérique latine. Auteur de nombreux ouvrages, il publie notamment en 2013 aux éditions des presses universitaires de Rennes, Chili 1970-1973, 1000 jours qui ébranlèrent le monde. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 5 décembre 1972, Santiago de Chili. Une foule immense presse sur les gradins de bois du grand stade de foot de la capitale chilienne, l'Estadio Nacional. Aujourd'hui, sur la pelouse, pas de crampons ni de ballon rond, mais un poète. Pablo Neruda, 68 ans, accueilli en héros. Un an auparavant, en effet, il recevait en Suède le prix Nobel de littérature et c'est désormais son pays, le Chili, qui lui rend un hommage officiel. Vu de France, il est difficile d'imaginer la gloire que connaît alors l'œuvre de Pablo Neruda en Amérique du Sud. 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée, recueil publié en 1924, dépassent largement le million d'exemplaires. Mieux encore, certaines de ses œuvres sont entrées dans le répertoire populaire et elles prennent vie dans l'écho des guitares, dans les réunions d'étudiants, au feu des haciendas, dans les tablés d'auberges reprises en chœur par tout un peuple. Dans cette archive de 1967, c'est Pablo Neruda lui-même qui chante l'un de ses poèmes, extrait du recueil La Centaine d'Amour, puis interprété en français par la grande Maria Cazares. Amor de grano a grano, de planeta a planeta, la red del viento con sus países sombríos, la guerra con sus zapatos de sangre, o bien el día y la noche de la espiga. Amour de grain en grain, de planète en planète, c'est le filet du vent et ses sombres pays. C'est la guerre qui vient sur ses souliers de sang, ou bien voici le jour et la nuit de l'épi. Dans l'Estadio Nacional, ce 5 décembre 72, Pablo Neruda entame un tour de piste triomphal. Debout, à l'arrière d'une décapotable noire, aux côtés de sa femme, Mathilde Urrutia, il a revêtu son plus beau costume et son éternel béret à carreaux, celui des paysans de sa province natale. à sa suite. Les défilés de soldats, d'ouvriers et d'enfants se succèdent au son des trompettes dans la plus pure tradition socialiste. Car le Chili de l'année 72, c'est depuis 2 ans celui du président élu, Salvador Allende, entré dans l'histoire comme le premier leader politique qui a tenté une transition pacifique et légale vers le socialisme. Durant sa campagne électorale en 1970, lui et son parti, Unité Populaire, incarnent alors un immense espoir dans un pays miné par les inégalités. Pablo Neruda, qui est de toutes les luttes, s'engage activement à ses côtés jusqu'à devenir son plus fidèle soutien, l'ami intime, mais aussi son plus prestigieux représentant à l'étranger. Pour preuve, après son élection, le 4 septembre 1970, Salvador Allende nomme Pablo Neruda ambassadeur du Chili en France. Après 2 ans d'expatriation à Paris, cette grande célébration à l'Estadio Nacional, donnée en l'honneur de son prix Nobel, sonne comme un retour au pays natal. « D'ici, je ne partirai plus jamais », déclare-t-il à la tribune, le Chili chevillé au corps. Mais c'est pourtant le cœur lourd qu'il revient, tourmenté par la situation politique actuelle. Car les grandes réformes engagées par le président Allende, comme la nationalisation des mines de cuivre, principale ressource du pays, ou la redistribution des terres aux paysans, n'est pas du goût de tout le monde. Les riches familles chiliennes s'inquiètent, la production industrielle chute, des mouvements contestataires émergent, les grèves s'intensifient et le pays plonge dans un marasme économique sans précédent. Allende est de plus en plus isolé au Chili, mais aussi sur la scène internationale, car rappelons-le, le monde est en pleine guerre froide et les États-Unis refusent de laisser une menace marxiste s'installer sur le continent voisin, chasse gardée. Dans son discours à l'Estadio Nacional, ce 5 décembre 1972, Pablo Neruda met ainsi son peuple en garde contre le danger qui le guette, la guerre civile. Le rayonnement du Chili m'a suivi, m'a enveloppé, m'a entouré. Mais j'ai réalisé qu'il y a des Chiliens qui veulent nous entraîner vers un autre monde, la guerre civile. Et bien que ce ne soit pas mon but, en ce lieu et en cette occasion d'entrer dans l'arène politique, j'ai le devoir poétique, politique et patriotique d'avertir l'ensemble du Chili de ce danger. J'ai été le témoin d'une guerre civile et ce fut une lutte si cruelle et si douloureuse qu'elle a marqué à jamais ma vie et ma poésie. J'ai vu des hommes s'entretuer alors qu'ils étaient nés pour être frères. Ils parlaient la même langue. Ils étaient fils de la même terre. Je ne veux pas d'un tel destin pour mon pays. La guerre d'Espagne fut sans aucun doute le tournant de sa vie. L'engagement politique de Pablo Neruda est né ici, en 1936, dans les nuits lourdes de juillet, où éclatent les premières rafales de la guerre civile. Il est alors diplomate. Après Rangoon, Ceylan, Batavia, Singapour et Buenos Aires, il débarque à Barcelone en 1934, où il fait la connaissance du grand poète Gabriel Garcia Lorca, martyr des franquistes, assassiné au mois d'août 36. Pablo Neruda choisit son camp. Il épouse la foi communiste et n'en déviera jamais, malgré les doutes et les révélations terribles autour de cette idéologie totalitaire qui sévit ici et là à travers le monde. Mais l'engagement de Neruda est complet, comme lorsqu'il organise en 1939 l'évacuation par bateau de 2000 réfugiés espagnols vers le Chili. En 1945, il est élu au Parlement de son pays. Il s'oppose à la politique de droite menée par le président Gabriel González Videla. Puis il est contraint à l'exil pendant 4 ans. En 1970, il revient sur le devant de la scène politique comme candidat communiste à la présidence avant de se rallier à Salvador Allende. Parce que personne mieux que Neruda ne peut sentir les analogies profondes entre ce Chili divisé de la fin de l'année 72 et l'Espagne d'avant la guerre civile. Mais au-delà de la crise politique, c'est la maladie qui le ramène sur cette terre. Un cancer de la prostate qui progresse lentement, mais auquel s'ajoutent des crises de gouttes très douloureuses. Alors, comme un grand fauve blessé sentant la fin s'approcher, il regagne sa tanière de la Isla Negra sur la côte Pacifique, au sud de Valparaiso. Une maison sublime, en forme de bateau, ouverte aux quatre vents et sur l'océan, indissociable de l'homme et de son œuvre. J'ai construit cette maison comme un jouet et j'y joue du matin au soir, dit-il. La vérité, c'est que c'est Isla Negra qui m'a choisi. Comment cela vous a choisi ? Oh, le lieu était très solitaire, très sauvage. Je suis passé par là et je suis resté. Depuis quand vous y habitez ? Une trentaine d'années, peut-être plus. C'est une longue histoire. Cette maison était toute petite au début. Elle a grandi avec le temps et ma poésie a grandi dans le même temps au contact de l'océan. Enfin, c'est une très longue histoire. Isolé sur son île noire, Pablo Neruda ne perd pas complètement contact avec cette vie politique qui le passionne. Il continue à recevoir énormément et œuvre à sa manière à la paix intérieure. Il fait distribuer gratuitement aux enfants, syndicats et forces armées une anthologie populaire de ses poèmes. En février 73, il publie « Incitation nixonicide » et « Éloge de la révolution chilienne ». Réponse cinglante à l'agression croissante des États-Unis. Enfin, il consacre beaucoup de temps à la rédaction de ses mémoires, commencée 2 ans plus tôt. Une vie rangée face au Pacifique que vient brutalement briser le coup d'État. Après des mois de crise, d'inflation record, de complots, de vagues d'attentats et pas moins de 7 tentatives de putsch, le Chili est bel et bien au bord de la guerre civile. À la fin du mois d'août 73, les uns après les autres, les militaires abandonnent le gouvernement de Salvador Allende. Le général Pinochet, homme de confiance du président, est tout juste nommé commandant en chef des armées, se prépare à renverser le pouvoir. Fait long. En septembre 73, Santiago du Chili, 9h. Dans son bureau de la Moneda, le palais présidentiel, Salvador Allende reçoit un communiqué. L'infanterie de marine s'est soulevée à Valparaiso et une junte militaire, menée par Pinochet, le somme de se rendre. Sur les ondes de Radio Magallanes, la seule qui émet encore, Salvador Allende s'adresse au peuple chilien. Ce sera la dernière fois. C'est peut-être la dernière possibilité que j'ai de m'adresser à vous. Les forces armées aériennes ont bombardé les antennes de Radio Portales, Radio Corporation. Mes paroles n'expriment pas l'amertume, mais la déception. Face à ces événements, je peux dire aux travailleurs, je ne renoncerai pas. Dehors, les chars envahissent le centre de Santiago et font le siège du palais de la Moneda, où le président se barricade. Avec ses derniers fidèles, il prend les armes et organise la résistance dans l'urgence. Mais déjà, les roquettes tombent sur le bâtiment. Il est environ 14h lorsque les soldats putschistes envahissent la Moneda en flammes. Au premier étage, Salvador Allende gît dans une mare de sang, mitraillette à la main. Le général Palacios, qui commande l'attaque, envoie alors un message à l'état-major. Mission accomplie, Moneda occupée, président mort. De quoi ? Suicide, assassinat, balle perdue. La rumeur court et le Chili, lui, bascule dans la dictature. Dans les rues, la répression est féroce. Les passants sont systématiquement fouillés. Et partout, les militants de l'unité populaire, les sympathisants et les libéraux sont pourchassés, torturés, exécutés. Des milliers de suspects sont enfermés, entassés comme du bétail, dans les tribunes de l'Estadio Nacional, ce fameux stade qui, 9 mois auparavant, rendait hommage au poète Pablo Neruda. L'enceinte est devenue une prison à ciel ouvert, dont beaucoup ne sortiront jamais. Présents sur place, les réalisateurs français Bruno Meil et Théo Robuchet parviennent à s'introduire. Les images qu'ils tournent dans leur documentaire intitulé « Septembre chilien », produit par les films 2001, sont terribles. Les prisons étant trop petites, les stades sont transformés en camps de concentration. Les couloirs, les vestiaires, les douches sont les cellules. Dans un vestiaire de 25 places, on entasse 200 prisonniers. Les journalistes doivent suivre le guide. Sur les gradins, à peine un dixième des prisonniers, les plus présentables, sont censés donner une image rassurante de la répression. Pourtant, les témoignages permettent maintenant d'affirmer que chaque nuit, on torture, on exécute. Calfeutré dans sa maison de la Isla Negra, Pablo Neruda pleure son pays, il pleure son ami. Le 14 septembre 73, 3 jours après le coup d'État, le poète achève ses mémoires par ces mots. J'écris ces lignes hâtives, 3 jours seulement après les faits inqualifiables qui ont emporté mon grand camarade, le président Allende. Il sait aussi que, désormais, il n'est plus en sécurité sur ses terres. Lui, le communiste, le poète populaire, le nobelisé. Et il repense à son autre camarade Gabriel Garcia Lorca, mort pour ses idées. Les jours qui suivent lui donnent raison. Sa seconde résidence, située à Santiago, est prise d'assaut par des militants du parti d'extrême droite au pouvoir. La Maison Bleue, accrochée au flanc de la colline de San Cristobal, n'est plus qu'une ruine. Tout a été détruit. Le lit éventré, les placards vidés, les livres brûlés. Et des rumeurs circulent sur son arrestation, aussitôt démentie par la junte militaire. Alors, Pablo Neruda, affaibli par le cancer, pense à l'exil. Encore, oui, partir, là où ses mots demeureront libres. Dès le 16 septembre, 5 jours après le coup d'État, le président mexicain Luis Echeverría, socialiste, offre l'asile politique au poète et à sa femme Mathilde Urrutia, qui accepte. Son chauffeur et homme de confiance, Manuel Araya, raconte la suite des opérations. C'est à ce moment-là qu'a été organisé le transfert d'Isla Negra à Santiago, d'où Neruda devait partir pour le Mexique. Il a été transporté en ambulance pour plus de sécurité. Sa femme l'accompagnait. Moi, je les suivais de près au volant d'une Fiat 125. Le trajet, qui prenait normalement 2 heures, a duré 6 heures. Les militaires nous ont arrêtés à plusieurs reprises. Ils cherchaient des armes. C'était très humiliant. Et à un moment, tous les trois, nous avons pleuré en nous tenant la main parce que nous pensions que ce serait notre fin. Le jour même, 19 septembre 1973, Neruda est admis à la clinique Santa Maria à Santiago. Reste alors à attendre tranquillement le départ pour le Mexique, programmé 3 jours plus tard, le 22 septembre. Dans sa chambre d'hôpital, comme jadis à la Isla Negra, le poète reçoit amis, artistes, diplomates, dont des ambassadeurs français venus lui remettre une plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Tous ses visiteurs s'étonnent de le voir en si bonne santé. Sa femme va même jusqu'à affirmer qu'il est en cours de guérison. Mais Neruda s'entretient surtout avec l'ambassadeur du Mexique et règle avec lui les derniers détails du voyage. Un avion d'Aeromexico stationne déjà sur le tarmac de l'aéroport de Santiago, tandis que les bagages du couple Neruda sont chargés à bord. Le jour dit, le 22 septembre, Gonzalo Martinez Corbala vient donc chercher Neruda et Mathilde à la clinique Santa Maria. Mais le poète lui demande, sans donner d'explication, de repousser le voyage de 2 jours. Entre-temps, la junte militaire entreprend dans la capitale une vaste perquisition détruisant par le feu toute littérature, désormais jugée subversive. Nous sommes le 23 septembre 1973. Quelques heures plus tard, le cœur de Pablo Neruda cessera de battre. Ça se passait hier après-midi à Santiago. Le quartier des tours San Borja avait été entièrement bouclé. Personne n'entrait ni ne sortait. Les militaires réglaient leurs comptes avec les tenants de la révolution. Car ce n'était pas les armes qu'ils cherchaient, non, c'était les livres. Il était 15h45 lorsque l'autodafé commença. Par dizaines, par paquets entiers, les bras chargés, les militaires descendaient des immeubles et jetaient au feu tout ce papier si dangereux. Les gens pleuraient aux fenêtres de leur appartement, mais les militaires ne regardaient pas. Ils étaient les instruments du nouvel ordre moral. Et c'est tout. Alors que ce soit Shakespeare, Mao, Gabriel Mistral ou Mayakovsky, tout y passait. Vers 18h, un immense nuage planait sur Santiago, des bouts de papier brûlés voltaient dans l'air, l'atmosphère était étouffante. C'est à peu près à ce moment-là que Pablo Neruda entrait dans le coma. Quelques heures plus tard, le prix Nobel de littérature mourait, l'autodafé était terminé. 22h30, heure du décès. Selon le certificat établi par la clinique Santa Maria, Pablo Neruda meurt de cachexie consécutive à un cancer de la prostate, soit une importante dénutrition. Mais pour Mathilde Urrutia, sa femme, la vérité est ailleurs. c'est le choc de la nouvelle du coup d'État qui lui a provoqué à quelques jours de distance un arrêt cardiaque, écrira-t-elle. Son cancer était presque guéri. Il n'a même pas eu le temps de laisser un testament. Comme quoi, la perspective de sa mort lui paraissait encore très lointaine. Pendant deux jours, la dépouille mortelle de Pablo Neruda a éveillé dans sa maison saccagée à Santiago. Du monde entier affluent les télégrammes de condoléances, comme autant de messages de soutien à la démocratie chilienne. Certains se questionnent aussi, à demi-mot, sur les causes réelles de sa mort, comme Louis Aragon, l'ami de toujours. Toutes sortes de pensées me viennent à l'esprit et que je n'ose pas dire haut, non pas par respect pour les gens qui peuvent avoir en fait créé les conditions d'évolution de sa maladie, mais par égard pour Mathilde, à qui je ne cesse de penser, écrit le poète français. Le 25 septembre, Pablo Neruda est enterré au cimetière central de Santiago. Son cercueil est déposé provisoirement dans le caveau d'une famille amie, avant de rejoindre, plus tard, Isla Negra, où sa maison a été elle aussi pillée. Ce ne sont pas les funérailles grandioses qu'en d'autres temps on aurait pu attendre pour un tel homme. C'est à la fois bien moins et bien plus. Sous l'œil des carabiniers chargés de surveiller le convoi funéraire, quelques centaines de personnes accompagnent le poète pour son dernier voyage. Arrivé au cimetière, un cri monte du cortège, puissant. Camarade Pablo Neruda, présente. La foule reprend, courageuse, et entame la voix brisée par l'émotion, le chant révolutionnaire chilien. El pueblo unido, jamás será vencido, en français dans le texte. C'est du suicide, murmurent les journalistes, qui par leur présence nombreuse protègent certainement les manifestants. Et dans l'histoire du nouveau régime militaire, cette matinée grise du 25 septembre 73 marque la première manifestation publique de la résistance chilienne. Par-delà sa mort, Neruda vient encore de servir la cause qui avait donné tant de sens à sa vie. Se movilizará desde el salar. Pendant 40 ans, j'ai frappé à 1000 portes, mais personne n'a voulu m'entendre. Ni sa veuve, Mathilde Urrutia, qui craignait de se faire confisquer tous ses biens, ni le Parti communiste du Chili, où je me suis souvent rendu après le retour de la démocratie, en 1990. Ils ne m'ont jamais écouté. Moi, tout ce que je veux, c'est que le monde sache que Pablo Neruda a été assassiné. Ces mots sont ceux de Manuel Araya, ancien chauffeur et secrétaire de Pablo Neruda. Le 12 mai 2011, 38 ans après la mort du poète, il trouve enfin une oreille attentive auprès des journalistes du quotidien mexicain Proceso. Dans un long entretien, l'homme de 65 ans confie tout sur cette vérité qui le hante. Pablo Neruda, figure de la gauche chilienne, ennemi des nouveaux fascistes de Santiago, a été assassiné. Et il revient sur les derniers jours du poète, juste après le coup d'état du général Pinochet, la peur qui l'étreignait alors. Sa maison de la Isla Negra était surveillée en permanence, gardée par des militaires en armes, la ligne téléphonique avait été coupée. Il raconte aussi le laborieux transfert de Neruda à l'hôpital le 19 septembre 1973 et ses plans d'exil au Mexique. Manuel Araya ne cesse de le répéter, son état de santé s'était grandement amélioré. Sans ça, personne n'aurait accepté qu'il se lance dans un tel périple. Selon lui encore, si Neruda décide le 22 septembre de repousser son départ de 2 jours, c'est parce qu'il souhaite récupérer certains objets personnels restés à la Isla Negra. Le lendemain, le chauffeur et Mathilde Urrutia, la femme du poète, prennent donc la route vers le Pacifique. Vers 16h, tandis que nous rangions les affaires, nous avons reçu un coup de téléphone, raconte Araya. C'était Neruda. Et il poursuit. Pablo Neruda m'appelle et me dit « J'étais en train de dormir, un médecin est entré et m'a fait une piqûre à l'estomac. » Quand je suis arrivé à l'hôpital, Pablo était tout rouge. Il me dit « Manuel, je brûle de l'intérieur. » Alors je lui ai mis une serviette sur son ventre pour soulager sa fièvre. Et à ce moment-là, un médecin est entré et m'a envoyé acheter un médicament. Comment ça, un médicament? Alors qu'il est à l'hôpital. Les médecins vont même lui conseiller d'aller en banlieue, persuadés qu'il ne le trouvera pas dans les pharmacies du centre de Santiago. Étrange. Mais Araya fait ce qu'on lui dit. La vie de Neruda est en jeu. C'était mon Dieu, confie-t-il. En route, des militaires interceptent son véhicule et le font sortir de force. Jeté à terre, le chauffeur est roué de coups et reçoit une balle dans le genou. Il est ensuite traîné à l'Estado Nacional, où il rejoint les bancs du plus grand camp de concentration de la dictature. Peut-être était-il là, d'ailleurs, croupissant dans les tribunes lorsque les réalisateurs français Bruno Meil et Théo Robichet filmaient ses visages hagards de prisonniers. Plus tard, dans la soirée, Pablo Neruda sombre dans le coma. Jamais plus il ne sortira de sa léthargie. Jamais plus on entendra Don Pablo Neruda. Manuel Araya, lui, apprend la mort de son patron en prison, où il restera plus d'un mois et demi. Ce n'est qu'en 1974 qu'il revoit pour la première fois Mathilde Urrutia. La veuve refuse de parler, par crainte que ses biens ne soient confisqués. Le silence est de mise. Un silence brisé 38 ans plus tard, donc en mai 2011, dans les pages du journal Proceso. Un mois après la publication de ces révélations, le Parti communiste chilien, ainsi que l'avocat de Manuel Araya, dépose plainte. Le juge Mario Carosa ouvre une instruction et constitue en quelques mois un dossier de plus de 1000 pages. Il entend notamment le médecin de la clinique Santa Maria. Celui-ci affirme avoir injecté un antidouleur à Pablo Neruda, mais nie bien évidemment l'avoir empoisonné. La défense souligne alors les incohérences des versions officielles. On en dénombre pas moins de 4. Eduardo Contreras, l'avocat d'Araya, s'explique devant les journalistes espagnols del País le 5 janvier 2012. El Mercurio et la Tercera du 24 septembre, journaux pro-Pinochet, parlent d'une crise cardiaque, conséquence d'une injection administrée pour calmer ses douleurs. Or, le certificat de décès de la clinique, lui, parle d'une mort en raison d'un état de faiblesse typique des malades en phase terminale. C'est tout de même étrange, cette différence de version entre des médecins d'un côté et la presse de la dictature de l'autre. On retrouve d'ailleurs ces mêmes noms de médecins impliqués dans les années 80 dans la mort de l'ex-président Eduardo Frei, et mort dans la même clinique d'ailleurs que Neruda. Ils officiaient également dans la Colonia Dignidad, cette secte nazie responsable de torture et de disparition sous la direction de l'hitlérien Paul Schäfer. Pour le juge d'instruction Corazza, l'important est de découvrir à quel stade était réellement arrivé le cancer de Pablo Neruda. Son certificat de décès indique une mort par dénutrition. Pourtant, tous ceux qui ont vu Pablo Neruda avant sa mort sont formels, il pesait encore 100 kilos. Il est d'autant plus difficile de se faire une idée de l'état de santé réel du poète que son dossier médical a mystérieusement disparu de la clinique Santa Maria. Oui, volatilisé. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, le juge d'instruction autorise l'exhumation du corps de Pablo Neruda. Le 8 avril 2013, à Isla Negra, son cercueil sort désert. Le corps de Neruda a été veillé ici, dans sa maison de Santiago, mais il a été enterré dans une autre propriété à Isla Negra, face à l'océan Pacifique. La teneur en sel et l'action du temps sur les restes du poète pourraient compliquer l'enquête. Malgré le développement technologique, nous devons admettre qu'il est possible qu'on ne sache jamais si effectivement il a été empoisonné. Cela en raison du temps passé et de l'action de la mère, et tout ce qu'on n'arrivera jamais à déterminer. La justice chilienne dira si l'autopsie confirme les suspicions. Si c'est le cas, le nom de Pablo Neruda sera ajouté aux 3000 victimes assassinées par la dictature de Pinochet. Les expertises vont-elles donner le même résultat que celles concernant le président Allende, exhumé lui aussi, et pour lequel on a finalement écarté, en septembre 2012, l'hypothèse de l'assassinat? Et quand bien même on retrouverait des traces de substances toxiques sur le corps de Neruda, comment, 40 ans après les faits, en déterminer la concentration à l'époque du décès? Bref, comment prouver l'empoisonnement? Un an et demi plus tard, en 2014, une équipe de chercheurs espagnols révèle la présence massive de bactéries suspectes, potentiellement inoculées pour provoquer la mort. Des staphylocoques dorés, qui, comme le rappelle l'avocat Eduardo Contreras, étaient l'élément habituellement utilisé par Eugenio Berrios, le chimiste de la police secrète de Pinochet, un expert en poison qui a donné maintes preuves de ses redoutables talents, avant d'être supprimé à son tour. 2 ans plus tard, le 26 avril 2016, la dépouille de Pablo Neruda est à nouveau inhumée dans le jardin de sa maison d'Isla Negra, devenue depuis un musée. Ce jour-là, pas d'international, non, mais le drapeau du Chili, déposé religieusement sur son cercueil. Les analyses des restes du poète, elles, continuent, confiées à différents laboratoires du monde entier. Finalement, le 20 octobre 2017, après plus de 4 ans de recherche, un groupe de 16 experts internationaux, mandatés par le gouvernement chilien, rend ses conclusions incomplètes, forcément incomplètes. Nos principales conclusions sont l'invalidité du certificat de décès qui indique que la cachexie cancéreuse est la cause de la mort. Toutes nos études, sans exception, réfutent cette raison. Cependant, aujourd'hui, nous ne pouvons ni exclure ni confirmer le caractère naturel ou violent de la mort de Pablo Neruda. Les scientifiques se donnent alors 6 mois pour analyser cette nouvelle bactérie. Or, un an et demi plus tard, il n'y a toujours rien. Pourquoi ? Eh bien, pour une bête histoire d'argent, figurez-vous, oui. L'enquête est paralysée en raison d'un défaut de paiement du gouvernement chilien à 2 laboratoires canadiens. Au Chili, pourtant, où le camarade est à jamais présente, la question reste brûlante. Pablo Neruda viendra-t-il grossir la liste des 3200 opposants politiques assassinés sous l'ère Pinochet ? 30 ans après la fin de la dictature, l'Estadio Nacional est toujours un stade de foot, mais aussi un mémorial. Quelques gradins de bois sont encore là, funestes souvenirs au milieu des sièges rouges flambant neufs et d'une pancarte où l'on peut lire « Un peuple sans mémoire est un peuple sans futur ». Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. canu del mar, su lamento obstinado. Sobre tu corazón llueven frías corolas, o sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, abandonado, es la hora de partir, abandonado, todo en ti. Te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. O más allá de todo, o más allá de todo, es la hora de partir, o abandonado, es la hora de partir. Abandonado, todo en ti fue naufragio. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la mort de Pablo Neruda, notre invité à Toulouse, dans les studios de France Bleu, l'historien Franck Godichaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Chili et des mouvements sociaux en Amérique latine. Vous enseignez à l'Université de Toulouse 2, auteur de nombreux ouvrages. Vous publiez notamment en 2013 aux éditions des presses universitaires de Rennes le livre intitulé « Chili 1970-1973, 1000 jours qui ébranlèrent le monde ». Alors, nous sommes aujourd'hui, je vérifie, le 10 septembre, c'est ça, 10 septembre 2019. Demain, le Chili commémorera les 46 ans du coup d'État de Pinochet, que certains appellent l'autre 11 septembre. Au temps de la dictature, c'était une fête nationale, évidemment. Aujourd'hui, comment les Chiliens commémorent-ils cet événement qui leur rappelle le moment où leur pays a sombré dans les ténèbres, tout de même? Oui, c'est une date évidemment extrêmement importante, forte, qui continue à marquer l'histoire chilienne, le quotidien chilien. Et donc, tous les 11 septembre, il y a des manifestations, il y a des actes de commémoration. Et c'est aussi un moment où on voit à quel point le Chili reste divisé sur ce coup d'État, sur l'héritage de la dictature. C'est une mémoire douloureuse, traumatique, et en même temps, un passé qui ne passe pas, puisqu'il y a plein de choses, comme l'impunité, par exemple, qui restent très marquants à l'actualité chilienne. L'an dernier, je me souviens, donc par les 45 ans du coup d'État, on pouvait lire dans le journal chilien La Tercera qu'il y a depuis 25 ans, Chili, une avancée lente mais continue pour en finir avec les mythes les plus résistants de la dictature. Quels sont ces mythes? Là aussi, en fait, tout dépend de quel côté on se place. Ce qu'a réussi quand même la junte militaire ou civico-militaire et Pinochet, c'est installer le mythe du jaguar chilien. C'est-à-dire le Chili moderne, avec une croissance économique, le Chili néolibéral, qui aurait réussi en gros à sortir du sous-développement le pays. Ça, c'est très fortement installé durant la dictature, mais paradoxalement aussi entretenu durant la post-dictature et la transition démocratique. Ça, c'est un mythe très très fort. Et en même temps, il y a d'autres mythes qui sont le plus minoritaires, mais qui continuent à être entretenus par les forces pinochetistes, celles qui revendiquent encore l'héritage glorieux, patriotique, contre le cancer marxiste de la dictature. Et puis il y a aussi, j'imagine, et d'ailleurs bien au-delà des frontières du Chili, le mythe Allende. Allende, ça a été une réalité, maintenant c'est un mythe, le mythe du courage de la gauche socialiste qui s'installe en Amérique du Sud, un continent miné par les dictatures fascistes dans les années 70. Le mythe Allende, il est solide, lui, non? Oui, la figure d'Allende... La figure, la figure, effectivement, vous avez raison. Elle est toujours solide. Elle est presque tutélaire, d'une certaine manière, et en même temps paradoxale, là aussi, puisqu'on a un Allende qui a un peu été présenté avant tout comme le républicain, l'homme d'État, un peu lavé de sa radicalité pour rentrer dans l'histoire commune républicaine durant la transition démocratique. Et il y a le Allende qui était un révolutionnaire, anti-impérialiste... ami de Cuba et qui voulait une voie chilienne au socialisme. Cet Allende-là, le révolutionnaire, ce qu'ont fait les divers gouvernements civils de la démocratisation, c'est essayer de le mettre de côté. Et donc il est plutôt entretenu par les militants et les victimes aussi de la dictature. Mais que s'est-il passé au Chili avec Allende? Alors je sais, c'est difficile à résumer en quelques secondes, mais les riches familles chiliennes ont vu d'un très mauvais œil l'arrivée évidemment de Salvatore Allende. C'était quand même pas un marxiste échevelé, on l'a dit. Qu'est-ce qui a miné de l'intérieur ce pouvoir d'Allende? Ce sont des causes endogènes ou exogènes? J'évoque évidemment les États-Unis. On pourrait dire évidemment les deux. Effectivement, le rôle des États-Unis. Et là, toutes les archives sont déclassées. Il n'y a pas aucun historien ne le nie aujourd'hui. Les États-Unis ont joué un rôle clé dans l'organisation matérielle, idéologique, en soutenant les militaires notamment du coup d'État. Et ça, c'était fondamental. Et en même temps, des contradictions internes des secteurs de la bourgeoisie chilienne qui, très rapidement, vous l'avez dit d'ailleurs bien dans le reportage, ont commencé à prendre peur face à un mouvement populaire de plus en plus auto-organisé, de plus en plus radical, et aussi des problèmes dans la gestion politique, dans ce projet de voie chilienne au socialisme, entre est-ce que c'était possible une révolution institutionnelle, pacifique, ou est-ce qu'il y allait avoir une rupture avec l'ordre constitutionnel et donc avec les classes dominantes chiliennes. Est-ce qu'on peut dire que le Chili d'Allende a été un laboratoire du socialisme en Amérique du Sud? Moi, je reste persuadé en fait que le Chili a été un laboratoire au XXe siècle. Il y a eu ces 1000 jours de la voie chilienne socialiste avec Allende. Ah, votre livre. Ensuite, oui, c'est ça. Ensuite, c'est 17 années de dictature néolibérale. Il faut quand même rappeler que le néolibéralisme est expérimenté au Chili avant l'Angleterre de Thatcher, les États-Unis de Reagan. C'est un peu un pays pionnier en ce sens-là. Et finalement, troisième expérience de transition démocratique inachevée jusqu'à nos jours. On en reparlera. Restons en septembre 73. On va écouter ensemble une archive datant du 12 septembre 73, donc au lendemain de la mort de Salvador Allende. Et il s'agit de la réaction de François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste Français à l'époque. Ben voilà, le type d'homme qui a voulu que son peuple dispose à lui-même dans la liberté démocratique pour la construction d'un socialisme qui, en effet, inspire les meilleurs d'entre nous. Aucune comparaison possible sur le plan du développement économique et social entre un pays sous-développé de 10 millions d'habitants et la France, pays industriel. Aucune comparaison possible entre le socialisme de la pénurie et le socialisme de l'abondance. Il est d'autant plus remarquable que dans un socialisme de la pénurie succédant à un capitalisme d'oppression et de misère, ce socialisme est préserver les libertés jusqu'à en être la victime. Alors, Allende, figure tutélaire de la gauche au Chili, en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde, on le voit avec la réaction de François Mitterrand, donc un modèle parmi d'autres. Est-ce que Pablo Neruda tient également ce rôle, cette place? Alors, pas en tant qu'homme politique à 100%, mais aussi en tant que poète, intellectuel. Quelle place il tenait à cette époque? Et puis, quelle place il a tenue après sa mort? Alors, à cette époque... Effectivement, Neruda était un poète militant, un poète engagé, un poète communiste, un poète qui a soutenu ensuite l'expérience Allende et la voie chilienne au socialisme. Et en même temps, le fait qu'il soit prix Nobel de littérature, ça lui a donné une aura nationale, latino-américaine, internationale, qui fait qu'il allait bien au-delà de cet engagement politique. Mais ça a été un acteur politique vraiment important. une fois sa mort, une fois même la dictature passée, aujourd'hui Neruda reste un personnage clé de l'histoire chilienne. Même les secteurs, disons, les plus conservateurs n'attaquent pas cette figure de Neruda aujourd'hui du fait de l'aura qu'il a en tant que poète et aussi de son rôle politique. Alors, assassiné ou pas, vous ne le savez pas plus que moi, mais il est incontestable que Pablo Neruda, gêné la junte militaire, exilé, il aurait été le mieux placé, finalement, le plus légitime pour devenir la voix de la résistance chilienne. Et hors des frontières, ça peut être très efficace. La junte militaire avait peur de ce Neruda-là, celui qu'il aurait pu devenir s'il était resté en vie. Sans aucun doute. C'est tout à fait certain. Pinochet voyait vraiment d'un mauvais œil le fait que Neruda puisse, depuis le Mexique, réorganiser une voie du gouvernement démocratique à l'extérieur. Et il faudrait aussi rappeler qu'une fois Neruda mort et peut-être assassiné, les autres figures qui ont incarné la résistance à l'extérieur ont toutes été assassinées. Enfin, toutes. Trois grands personnages comme Prats, le général Prats, qui a été loyal à Allende, a été assassiné en 1974 à Buenos Aires. Bernardo Leighton, un démocrate chrétien, démocrate en sens où il a rejeté le coup d'État, il y a eu une tentative d'assassinat à Rome en 1975. Et Letellier, qui était ministre des Affaires étrangères de Allende, lui a été assassiné dans le cadre de l'opération Condor à Washington en 1976. Donc il y a quand même des éléments qui permettent une très forte suspicion. Alors, une autre victime, puisqu'on en parle, tristement célèbre du putsch militaire, symbole de la répression, s'appelle Victor Jara, chanteur populaire et engagé. Lui a été assassiné le 16 septembre 73, donc soit 5 jours après le coup d'État. On va écouter une archive extraite du très beau documentaire intitulé « Septembre chilien », réalisé par les Français Bruno Maille et Théo Robuchet, sorti le 3 octobre 73 en salle. Donc soit le compte-rendu à chaud, hein, finalement, des jours qui ont suivi le coup d'État. Notre cantante national, Victor Jara. Victor Jara. Notre chanteur national. Il se trouvait à l'université avec nous et ils l'ont arrêté avec nous. D'abord, ils lui ont coupé les articulations des mains. En même temps, il lui disait de chanter pour le peuple. Plus tard, il a été fusillé après avoir été longuement torturé. On l'a retrouvé quelques jours plus tard dans un faubourg de Santiago. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. 45 ans plus tard, en juillet 2018, soit l'an dernier, 9 militaires chiliens ont été jugés coupables et condamnés pour l'assassinat de Victor Jara. Pour ce que ce procès aboutisse, le corps du chanteur a été exhumé, enfin autopsié en 2009. Il avait gardé les traces des 44 balles dont on a parlé tout à l'heure. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser à Pablo Neruda. Selon vous, peut-on espérer un jour découvrir la vérité là sur la mort du poète? En tout cas, effectivement, on attend les résultats des dernières analyses qui n'arrivent toujours pas. Entre-temps, il y a quand même eu un élément qui a apporté de l'eau au moulin de la thèse de l'assassinat, c'est qu'a été confirmé qu'en 1982, dans la même clinique, a été assassiné Eduardo Frei, l'ancien président de la République, oui, par des médecins qui étaient présents dans la clinique le jour où était Neruda. Donc il y a quand même des éléments qui alimentent la thèse de l'assassinat. Alors il y a parmi les martyrs, là pour le coup le mot est fort, mais les victimes du régime de Pinochet, ce footballeur Carlos Caselli. Juste raconter l'histoire rapidement, il s'est retrouvé lui aussi au stade Estadio Nacional, mais pas pour jouer au foot. Sa famille a été torturée, il était proche de la gauche, il a refusé de serrer la main de Pinochet lors d'un match, ceci explique certainement les ennuis qu'il a eu ensuite. Et puis, il se trouve que juste après le coup d'État, le Chili qui devait jouer, qui essayait de jouer la Coupe du Monde 74, tombait pendant les éliminatoires contre l'équipe du RSS. Donc le Chili va en IRSS, très mal reçu. Et puis, le match retour le 21 novembre, et au motif que le Chili est maintenant sous le joug d'une junte fasciste, l'URSS décide de ne pas jouer ce match retour et on a assiste à un match surréaliste au stade de Santiago du Chili entre le Chili et personne. C'est-à-dire qu'il y a personne en face. Il y a 11 joueurs chiliens. Et au premier but, eh bien, le Chili est qualifié pour la Coupe du Monde 74. C'est pas anecdotique, c'est plus qu'anecdotique parce que ça montre quand même l'ambiance à cette époque. Et donc, on n'oublie pas que l'histoire du Chili, au moment où on l'observe, elle est en plein cœur de la guerre froide. Hein, ça compte aussi, ça. C'est central, en fait. Peut-être l'un des drames de ce petit pays du sud de l'Amérique latine, c'est qu'il a essayé de sortir de la dépendance, du mal développement, dans un contexte où les grandes puissances dominaient le scénario et dans le cadre de la guerre froide. Donc c'était cette rupture-là qui a été écrasée finalement en 1973. On peut dire un mot de l'opération Condor, là, qui est importante pour cette histoire. Alors, d'autant plus que le Chili a été un pays clé dans l'organisation de cette internationale du terrorisme d'État, on pourrait dire, de cette alliance des dictatures pour poursuivre les opposants, les militants, mais aussi les militants des droits de l'homme, les militants révolutionnaires, tous ceux qui s'opposaient aux dictatures. Et ça a été une coordination qui permettait de chasser vraiment les opposants au-delà même des frontières de l'Amérique latine. Le cas Le Tellier que j'ai cité tout à l'heure, c'est un assassinat qui est organisé directement sous le nez et la barbe des ambassades à Washington. Avec l'appui logistique de la CIA ou pas ? Alors, le cas Le Tellier à Washington, il semble que la CIA ait su, mais n'est pas soutenue. Par contre, l'opération Condor a reçu un appui logistique, notamment pour l'échange d'informations ou pour les techniques de torture, d'interrogatoire, on disait, de la part de la CIA. Là aussi, c'est déclassifié, nous avons les archives. Alors, puisqu'on parlait de Pablo Neruda, pendant les 16 années qu'ont duré la dictature de Pinochet, à quoi ressemblait la vie artistique ? Est-ce qu'il y avait, à travers la vie artistique, culturelle, une résistance ? Alors, assez rapidement, en fait, s'organise de manière clandestine et puis de plus en plus ouverte, diverses formes de résistance artistique. On peut penser à tout ce qui était les brigades de peinture murale, la Brigada Chacón, par exemple, qui était liée au Parti communiste, qui faisait des peintures dans la rue, sur les murs. Sur le plan musical aussi, il y a eu de nombreux groupes, par exemple le groupe Carachu, qui était lié à la gauche révolutionnaire chilienne. Et dans les années 80, aussi une nouvelle génération qui commence à critiquer l'esprit rétrograde, l'ambiance grise de la dictature. Et ça, on le retrouve dans tous les domaines artistiques. Mais vous pouvez bien imaginer que sous dictature, c'était souvent, il fallait passer au-delà de la censure, faire du double langage, etc. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Franck Godichaud. Je rappelle que vous êtes un spécialiste du Chili, ça paraît évident, ne serait-ce qu'à vous entendre, et que vous avez fait paraître en 2013 aux éditions des Presses universitaires de Rennes le livre intitulé Chili 1970-1973, 1000 jours qui ébranlèrent le monde. Si nos auditeurs s'intéressent à l'histoire du Chili, je leur conseille vivement cette lecture-là. C'est une sorte de Bible. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la mort de Pablo Neruda, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et éventuellement vos commentaires. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.